Mila, Mila, tu me demandes où j'ai mis ton briquet, je l'ai mis là. Mila, allume ton joint et embrasse-moi. Mila, Mila, tu me demandes où j'ai mis ton joint, je l'ai mis là. Mila, tire une taffe et embrasse-moi.